À propos d'horaire, c'est l'heure du documentaire de notre bretonne de service, hein, Perrine, qui va parler maintenant de cuisine. On se retrouve dans 15 minutes après le documentaire. Pour continuer la conversation. À tout à l'heure. Je m'appelle Donovan et je fais la cuisine pour le festival Archipel. Voilà, je suis content d'être dans cette cuisine professionnelle que je trouve assez magnifique. J'ai jamais eu une cuisine aussi grande sous la main. Je trouve très sympa. Là, c'est les deux autres chefs. Elles sont en train de discuter leur prochain menu. Elles vont aller faire des courses. Voilà. Seton, puis moi ça je sais pas l'utiliser. Non mais les setons, alors je m'occupe de faire du seton. Je vais faire des prochaines setons. Mais si on fait du seton, est-ce qu'on fait encore du tofu, toi? Ouais. Okay, Maria tofu. Et Nathalie, qui normalement bossaient avec une autre fille que je connais pas, qui pouvait pas bosser, donc elles m'ont proposé par des amis qu'on a en commun. Elle m'a demandé si je voulais faire ça, puis ça me plaît bien. Et ça, je dois dire, je le grille pas avant. Ah. Sinon, tu le fais mariner dans la pâte de curry un tout petit peu. Ouais, bonne idée. C'est, comme on bosse en équipe, on a un tableau, puis on note. On note ce qu'on a besoin pour les jours d'après. Admettons que demain, bon, je ne bosse pas demain, mais si je bossais demain, je pourrais demander à ce qu'on me coupe des oignons, des carottes, qu'on prépare des choses. Comme ça, quand on arrive, eh bien, on a déjà un peu tout qui est en place. Il n'y a pas trop de stress. Comme ça, on fait nos choses et puis on regarde ensuite quand on a terminé ce qu'on a à faire pour le repas en cours. Et puis on regarde ce qu'il y a à faire pour les prochains, ce qu'ils ont demandé. C'est un système de roulement assez rigolo. J'étais un peu sceptique au départ, mais en fait, ça marche bien. Pour une tirée comme ça, c'est vachement bien d'être trois. Et puis aussi, trois, ben, c'est trois inspirations, trois manières de cuisiner. Avec Maria, on a travaillé l'année dernière, donc on se connaît déjà. De l'année dernière sur Archipel, ouais. Et Donovan, c'est une première. Mais tout se passe très naturellement. C'est ça qui est super, quoi. Et avec les ados aussi, en fait. Donc, c'est vraiment très stimulant. C'est une chouette expérience, je trouve. Enfin, c'est un joli festival pour ça, pour la cuisine. Puis ce lieu, il est quand même assez génial, quoi. Non, mais parce que tu sais le bouquin que je t'ai passé de ce type, là, sympa, là. Anglais, là. Il fait des rustis, après, il met une purée de pommes, un tout petit peu, et il met des herbes. C'est très joli, c'est très esthétique. Mais si tu n'as jamais fait de rustis, tu vas vouloir le faire, parce que moi, je t'ai dit tout de suite, tu prends des patates, ferme la cuisson, et tu les cuis. Pas les 20 minutes qu'il faut, mais 10. Ils sont pré-cuits, après, tu les râpes, après, tu les assaisonnes avec suffisamment de beurre, d'huile, du sel, et tu peux sauter des oignons. Et après, cette purée-là, tu l'écrases avec suffisamment d'huile, non, avec un papier au fond, et tu fais dans des plaques. Tu mets au four. Et puis tu mets grillé au four. Il faut qu'il ait suffisamment de gras. Bon, I am ready. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu commences à couper ces légumes? Ouais. Et on les met déjà en plaque? Ouais, on prend la méga plaque. Tu ne préfères pas faire des bains-maris qui vont direct là-haut? Ah oh oui, c'est pour ça que c'est pour l'esprit pratique. Non, mais t'as raison. Non, mais si tu veux la grosse, je vais pas te l'imposer. Non, mais t'as absolument raison. Typique. Où il faut pas prendre trop sur son ego, parce que cette femme, elle a un esprit pratique très élevé. Et tu vas mettre des oignons aussi? Ouais. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait des plaques déjà mélangées. Aujourd'hui, c'est 57 ce soir. Voilà, on dit 60. Ouais. Et puis, normalement, dans ces plaques, quand on sert un plat unique comme une lasagne, on sert 15. Une plaque, ça fait entre 12 et 15. Ouais. On dit 15, et si c'est 60, il faut 4 minimum. 4, ok. Alors, on en sort 4. Merci à toi. Je vous laisse ça. C'est chaud. sais pas cuisiner les patates. Je trouve qu'ils ont les panés. Moi, je ne les cuisine jamais parce que je les trouve envahissants. Non, mais mélanger, ça va être bien. Mais moi, quand on m'a proposé de velouté, de pané comme ça, moi, je trouve que c'est, ça prend toute la place des panés, non? Tu sais que... J'ai connu le pané ici en Europe et puis je me suis toujours dit qu'il avait un goût de mangue verte. Parce que nous, en Colombie, on a une variété de mangue qu'on mange verte avec du sel et du citron. C'est croustillant et c'est acide. Et puis on mangeait ça à la sortie de l'école quand j'étais petite. On sortait de l'école, comme il fait chaud tout le temps. Il y a des fruits partout. On mangeait ça, on appelle ça mango biche. C'est de la mangue verte. Et puis j'ai l'impression que le pané, il y a un petit parfum de mangue. C'est un goût d'enfance pour moi. Ben, moi, j'aime beaucoup faire des choses de chez moi, mais du coup, des fois, c'est ces ingrédients qui ont voyagé tant de kilomètres ou de fruits qui ont mûri dans les bateaux, bah, ça n'a jamais le même goût que quand on est là-bas. Mais voilà, bah, ce n'est pas pour ça que je me prive, mais au fur et à mesure, j'ai appris plutôt à privilégier ce qui est local et des saisons. Et puis bah, la nourriture exotique, c'est pas malheureusement. Et puis, ouais, des fois, je fais des plats de là-bas, mais pas tout le temps. Cette histoire de cuisiner local et de saison. Je pense que c'est important d'assumer la responsabilité qu'il y en a avec, avec tout l'argent qu'on dépense. Chaque fois qu'on donne son argent à quelqu'un, bah, il y a tout un champ derrière. De personnes derrière, de business derrière, de l'écologie. Du coup, essayer de rester cohérent par rapport à ça, ce qui n'est pas facile. Mais je pense qu'on peut toujours manger local et des saisons dans la plupart et puis juste mettre 2-3 ingrédients comme ça exotiques des fois. On travaille avec l'Union maraîchère de Genève, je ne sais pas si tu connais. C'est une entité qui rassemble tous les gens qui font du maraîchage dans la région. Donc eux, ils vont à beaucoup de supermarchés, des chaînes ici, mais tous les légumes qui ne sont pas calibrés, parce que les supermarchés, ils veulent que des légumes qui sont tous pareils, dans la même taille. Tout ce qui n'est pas calibré, ils les vendent dans le magasin. Donc on peut aller dans ces magasins, on sait que tout est de saison et que tout est local, parce que c'est l'Union maraîchère, et puis les légumes, ils sont moins chers. Et du coup, on essaye d'acheter la plupart de nos légumes là-bas, parce que quand on va dans les grandes surfaces, on ne peut pas savoir si ces légumes, ils viennent du Maroc, d'Espagne, de... Donc, quelles conditions ils ont été cultivés, et puis payer comment, les gens. Donc, à l'Union maraîchère, en tout cas, on sait que c'est payé dans les normes, avec les salaires d'ici, et les conditions d'ici. C'est la couper en deux et puis après tu la check. Ah, ou même... Non, je sais pas. Ouais. Mais tu as déjà fait les tartes aux pommes. J'ai déjà fait une tarte, pas à cette échelle-là. Puis là, dans le cas particulier, il y a pas mal d'aides de cuisine différentes. À moins que ce soit la tatin, je la coupe en quatre, j'enlève le sang. Après, check, je coupe et à chaque fois je... Je suis content de rencontrer des gens sympathiques. Je l'étale comme ça, tu vois, il reste... Ça me semble plus simple que de faire plein de pommes puis de les remettre petit à petit. De base, je me disais, ah ouais, je suis pas trop dans l'esprit, ouais, donner des ordres, qu'est-ce qu'il faut faire. Non, d'habitude, je suis plutôt en solo, comme ça, tac-tac. Mais en fait, ça se passe très bien. Et voilà, il faut discuter, demander, ça peut être faire ci, de faire ça. Et puis, ouais, que tout le monde prenne du plaisir en cuisinant. Voilà. Là, tu fais tac, mon tac, tac. Et après, je fais une fois. Comme ça, puis après, tu la prends, puis tu l'étales un peu comme ça sur ta pâte. a tout décidé, toujours les trois. Donc, ouais, non, c'est ça, moi, je trouve c'est vraiment super. Ouais, chacun a proposé des gens. Par exemple, moi, j'ai une amie qui vient d'avoir un bébé et puis qui a besoin de travail. Et puis, elle vient travailler. Nathalie, elle a proposé Max Hamoud et puis d'autres personnes qu'elle connaissait. Et puis, comme ça, chacun amène un peu des gens avec lesquels on se sent à l'aise et puis aussi auxquels on veut donner l'opportunité de travailler. De l'huile, du beurre, non, de l'huile, des oignons. Moi, je fais avec le fromage à raclette, mais après, tu peux mettre aussi une tome, oui. Comme ça, ça fait un joli menu suisse. Ah bah oui, ça, c'est sûr. Hein. Ouais. Oula. Il y a quoi ? J'ai passé par toutes les étapes du festival et il y a eu un moment où, quand il n'y avait pas de la cuisine, on m'a proposé de m'occuper du bar. Donc j'ai passé un peu partout ici. Cuisine, bar et compagnie. Et puis depuis que la nouvelle direction est là, ils ont voulu que ça devienne encore une fois un repas convivial pour tout le monde, même pour le public. On va mettre une cuillère et demie de riz. Et puis après, il faut aller bien au fond chercher les petits pois. Parce qu'ils sont lourds et ils tombent toujours au fond. Donc comme ça, quand dans l'assiette, il y a tous les légumes. Et après, tu mets un tout petit peu de jus, comme ça, sur le riz. Il y en a suffisamment de jus pour mettre sur le riz. Et la salade, on va mettre juste un petit peu à côté pour la fraîcheur. Dans le curry, alors, il y a des noix de cajou, si jamais... Et puis, en général, des légumes. Et puis, dans le dessert, il y a du lait d'avoine aussi. On a du lait de coco lait d'avoine. Et puis, ça a été épaissi avec la maïzena. Donc, ça fait une espèce de flan, ou ce qu'on appelle au Colombie, une natilla. Et puis, après, on a fait un petit sirop, citron vert et gingembre. Et puis là, la décoration, c'est des petites pétales de bleuets. Ça, c'est des baies de goji. C'est du salade, colorée sur la salade. C'est une salade de choux rouges, des petits oignons nouveaux, carottes, et puis avec une vinaigrette asiatique, un peu sauce soya, citron, et je pense qu'il y a un peu de sirop d'érable aussi. On refroidit le verre, parce qu'on est d'accord qu'on a une machine à glaçons de compétition ici. C'est ce qui m'a donné envie de ramener du gin. Voilà. Un peu d'orange. Ah, bien, un truc super. On pourrait essayer avec une petite goutte de huile essentielle d'orange. Hop. Hop. Et le tonic. Archi Radio. La radio du festival Archipel. En direct, de 10h à midi, sur archipel.org.